Chapitre 14. Rive droite. Surprise par cette alerte, tombant ainsi à l'improviste, dans la paix somnolente qui enveloppait la petite maison perdue dans ce recoin mort de Paris, la jeune fille se rejeta loin de la table pour s'adosser au mur le plus proche, où elle demeura un instant, clouée de terreur. À son regard élargi et fixe, qui l'interrogeait de façon si pressante, Lagnard se hâta de répondre par un signe de tête rassurant. Il n'avait plus bougé depuis son premier sursaut involontaire et quasi imperceptible, et le dernier fragment de verre cassé n'était pas achevé de teinter sur le plancher d'en haut, qu'il apaisait déjà Lucie de l'air le plus naturel. « Ne vous inquiétez pas, » fit-il, « ce n'est rien, simplement le lanterneau de Solon qui se démolit. »« Vous appelez cela rien ? » s'exclama-t-elle. « Mais qu'est-ce qui a causé ce dégât ?»« Ma négligence, » avoua-t-il piteusement. « J'aurais dû savoir que cette vaste étendue vitrée de l'atelier, où l'électricité brûlait à plein, allait vendre la mèche complètement. On sait la maison inoccupée, et il ne fallait pas s'attendre à voir la police ni la bande à Popinot négliger une enseigne aussi brillante. Et c'est bien la faute de mon étourderie. J'aurais dû y penser plus tôt. Grand temps que j'abandonne un jeu dont je n'ai plus l'esprit d'observer les règles. Mais la police n'irait jamais... Sur mon nom, c'est un gentil moyen à Popinot de nous faire savoir qu'il est là. Mais je vais aller jeter un coup d'œil pour m'assurer. Non, restez là, je vous en prie. J'aime mieux aller seul. » Il s'approcha vivement de la fenêtre du vestibule, ne s'y arrêtant que pour jeter un bref regard à travers les rideaux. Ce furtif coup d'œil lui montra l'impasse Stanislas, non plus abandonné au vent et à la pluie, mais visiblement occupé par au moins un individu, appuyé contre le réverbère solitaire. Ce citoyen, aux traits invisibles, s'occupait à surveiller la petite maison. Mais Lagnard comprit que cet homme avait une douzaine de compagnons embusqués à portée de la voix. Grimpant l'escalier, il s'arrêta prudemment au haut des marches. Un premier regard rapide lui montra la grande brèche découpée en noir dans le lanterneau. Un second, le projectile destructeur gisant parmi un tas de verres cassés. Une brique enveloppée dans un journal, semblait-il. Il se pencha pour le ramasser, puis se recula bien vite, hors de l'espace dangereux sous le lanterneau brisé, et il n'eut pas plus tôt quitté le seuil qu'un second objet tomba par la brèche et s'enfonça dans le plancher. C'était une balle, tirée du toit de l'un des bâtiments voisins, et cela confirma son hypothèse antérieure que le premier projectile avait dû tomber de haut plutôt que d'avoir été lancé de la rue pour avoir fait un tel dégât dans les épais et solides carreaux de verre dépoli. En jurant tout bas, il redescendit à la cuisine. « C'est bien ce que je pensais, » dit-il froidement tout en exhibant sa trouvaille. « Ils sont là-haut sur le toit de la maison voisine, mais ils ont placé une sentinelle aussi dans la rue, comme de juste. »« Mais ce second bruit de chute ?» demanda la jeune fille. « Une balle, » répondit-il tout en déposant le paquet sur la table et coupant la ficelle qui l'entourait. « Ils étaient sur le qui-vive, et ils ont tiré quand je me suis montré sous le lanterneau. »« Mais je n'ai pas entendu de détonation, » objecta-t-elle. Un silencieux Maxime, adapté au fusil sans doute, expliqua-t-il en déballant la brique et lissant le journal. « Heureux que vous ayez songé à mettre votre chapeau avant de descendre, » ajouta-t-il avec un coup d'œil approbateur à la jeune fille. « Il ne serait certainement pas prudent de remonter à l'escalier. » Son insouciance était beaucoup moins réelle qu'il ne le semblait, mais elle contribuait à rassurer Lucie, qui se contenait à grand-peine, frisant l'attaque de nerfs. « Mais qu'allons-nous faire à présent ? » bégaya-t-elle. « S'ils ont encerclé la maison ?»« Ne vous en faites pas, il y a plus d'un chemin pour s'en aller, » répliqua-t-il en fronçant les sourcils à la lecture du journal. « Autrement, je n'aurais pas choisi cette maison, et Solon ne l'aurait pas louée si elle avait manqué d'une issue de secours en prévision des créanciers. Ah, je le pensais bien. Quoi ? L'hôtel Troyon a disparu, fit-il sans lever les yeux. Voici la presse de ce soir, totalement détruit par un incendie qui s'est déclaré ce matin à 6h30, et en moins d'une demi-heure a réduit cette vieille bâtisse en un amas de décombres fumants. Il parcourut rapidement des yeux la colonne, choisissant les passages importants. On croit que le feu a été mis volontairement, bien que le local ne fût pas assuré. Voilà une déduction intelligente. Les clients se sont échappés à grand-peine dans le plus simple appareil. On croit qu'il y a 3 victimes. On a retrouvé un cadavre carbonisé au point d'être méconnaissable, mais par la suite, on y a reconnu celui de Rodi. Le pauvre diable. 2 clients manquent. Monsieur Lagnard, l'amateur d'art bien connu, qui occupait la chambre voisine de celle de l'infortuné détective, et Mademoiselle Bannon, fils du millionnaire américain qui lui-même n'a échappé que par miracle avec son secrétaire M. Gregg, ce dernier étourdi par la fumée. La police et les pompiers explorent les décombres. Voyons, voyons. L'intérêt singulier manifesté par la préfecture de police permet de soupçonner que le feu aurait été mis à l'immeuble pour cacher un crime de nature politique. Froissant le journal entre ses mains, il le jeta dans un coin. Voilà qui est fort intéressant. Une idée à la Popinot de me le faire savoir de cette façon. Bien entendu, le mystère de ce télégramme signé du nom de Roddy et déposé à la bourse une heure ou deux avant sa mort par incinération a mis la préfecture dans une effervescence de ruche. Bien regrettable que je n'ai pas su alors ce que je sais maintenant. Si j'avais le moins du monde soupçonné Gregg d'être rattaché à la meute par l'intermédiaire de Bannon... Mais à quoi bon? J'ai fait mon possible, tout en sachant qu'il y avait fort peu de chances de succès. Qui avait-il écrit sur ce journal? Interrogea tout à coup la jeune fille. Il ouvrit des yeux étonnés. D'écrit sur ce journal? J'ai vu quelques lignes à l'encre rouge, en haut de la colonne. Vous avez essayé de me les cacher, mais je les ai vues. Qu'est-ce que c'était? Oh, pour ça, ricana-t-il avec dédain, le cynisme de Popinot, une invitation à sortir et à lui offrir une bonne cible. Elle secoua la tête avec impatience. Vous ne me dites pas la vérité. C'était quelque chose d'autre, ou bien vous n'auriez pas été si désireux de me le cacher. Voyons, mesdemoiselles, je vous assure. Non, soyez franc avec moi, monsieur Lagnard. C'était une offre de vous laisser aller si vous me livriez à Bannon, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, acquiesça-t-il à regret. Trop idiot pour qu'on s'en occupe. Mais à présent, il s'agit de sortir d'ici avant qu'il trouve le moyen d'entrer. Non pas qu'il soit de taille à risquer un assaut avant d'avoir tenté de nous prendre par la famine, mais il vaut autant mettre une bonne distance entre eux et nous avant qu'ils découvrent que nous ayons décampé. Il s'introduisit dans son imperméable d'emprunt, le boutonna jusqu'au cou et rabattit les bords de son chapeau de feutre. Mais quand il leva de nouveau les yeux sur la jeune fille, il vit qu'elle n'avait pas bougé. Au contraire, elle restait comme sidérée, le regardant sans le voir, d'un air impénétrable. « Eh bien, fit-il, si vous êtes tout à fait prête, mademoiselle Shannon ?»« Monsieur Lagnard, demanda-t-elle presque sévèrement, quel était le texte exact de ce message ?»« Si vous voulez le savoir, je le veux. » Il haussa les épaules avec résignation. « Puisque vous y tenez, je vais vous le dire, plutôt vous le traduire, car Popinot m'a fait l'honneur d'employer l'argot de la pègre. « Inutile, dit-elle, je vous croirai sur parole, mais il faut me dire la vérité. Comme vous voudrez. Popinot suggère aimablement que si je vous laisse ici pour qu'on vous réunisse à votre père putatif, si je m'en remets à sa parole d'honneur, c'est-à-dire, et sors de la maison seule, il me donnera 24 heures pour quitter Paris. Alors, il n'y a que moi entre vous et... « Chère petite madame, protesta-t-il bien vite, ne vous emballez pas sur une idée aussi absurde. Croyez-vous que je consentirai à traiter en aucun cas avec de pareils chenapans ?»« Tout de même, s'obstina-t-elle, je suis la pierre d'achoppement. Vous risquez votre vie pour moi. »« Pas du tout, fit-il presque avec colère. »« Si fait, répliqua-t-elle avec une tranquille assurance. »« Soit, fit-il en souriant, à votre guise. Mais c'est ma vie à moi, n'est-ce pas ? Je ne vois réellement pas ce qui vous pousse à m'empêcher de la risquer pour une chose qui m'en paraît digne. » Elle ne souriait pas, mais sa mine, dépouillant tout à coup son expression de révolte, s'adoucit exquisement, et elle le regarda avec des yeux pleins de bonté. « Dès qu'il est entendu que je comprends, tout va bien, dit-elle avec calme. Je ferai comme vous le désirez, monsieur Lagnard. » « À la bonne heure, s'écria-t-il gaiement. Je désire, avec votre permission, vous emmener dehors pour dîner. Par ici, je vous prie. » Il lui fit traverser la buanderie, où il déverrouilla une porte basse percée dans l'un des murs, et qui découvrit l'entrée d'un étroit corridor pareil à un souterrain. L'exhortant à la prudence, sa lampe électrique dans la main gauche, son pistolet dans la droite, Lagnard s'enfonça dans les ténèbres. « La voie est libre, annonça-t-il. J'étais bien sûr que Popinot ignorait cette sortie, ou sinon nous aurions reçu depuis longtemps des hôtes indésirés. Maintenant, une petite minute. » Le compteur électrique était disposé contre le mur de la buanderie, non loin de la porte. Faisant sauter son couvercle, il dévissa et enleva le fusible, ce qui plongea toute la maison dans une obscurité totale. « Cela leur donnera un peu à réfléchir, » fit-il avec un ricanement. « Si je connais bien ces gars-là, ils vont hésiter un bon moment avant de s'aventurer dans une maison occupée par un homme armé et aux abois. En outre, quand ils auront repris courage, le manque de lumière les empêchera de découvrir cette issue. Et maintenant, encore un dernier mot. D'un éclair de la lampe, il situa la main de la jeune fille. Il s'en empara tranquillement et sans opposition. « Je ne vous ai déjà causé que trop d'ennui, par ma sottise, » reprit-il, « sans quoi cette maison nous eût été un refuge jusqu'au moment propice pour quitter Paris. Aussi, maintenant, ne devons-nous pas oublier, avant de sortir pour aller affronter Dieu sait quel péril, de nous fixer un rendez-vous en cas de séparation. Popinot, par exemple, peut avoir disposé un cordon de sentinelle tout autour du pâté de maison. Nous ne le saurons qu'une fois dans la rue. S'il l'a fait, vous devez me laisser les amuser jusqu'à ce que vous soyez mis en sûreté, hors de leur portée. Oh, ne vous en faites pas, je suis parfaitement capable de m'en tirer tout seul. Mais ensuite, nous devons savoir où nous retrouver. Hôtels, cafés et restaurants sont hors de question. En premier lieu, nous avons à peine assez d'argent pour notre dîner. En outre, ils seront surveillés de près. Quant à nos ambassades et consulats, ils ne sont pas ouverts à toute heure et seront également surveillés. Il nous reste, à moins que vous n'ayez une autre idée, uniquement les églises, et je n'en vois pas de mieux approprié à notre dessein que le Sacré-Cœur. » Elle lui pressa doucement la main. « J'ai compris, » dit-elle tout bas. « Si nous sommes obligés de nous séparer, je vais tout droit au Sacré-Cœur et je vous y attends. » « Parfait, mais espérons que ce ne sera pas nécessaire. » La main dans la main, comme des enfants qui ont peur, tous deux s'enfoncèrent dans l'espèce de souterrain, traversèrent une petite cour resserrée entre deux vieux bâtiments et débouchèrent enfin dans la sombre, sinueuse et muette rue d'Assas. Ils y rencontrèrent quelques passants, lesquels, préoccupés du désir de se mettre à l'abri de la pluie, durent les prendre pour un étudiant du quartier avec sa bonne amie, car Lagnard, dans son imperméable râpé, marchait à grands pas, la tête et les épaules courbées sous l'averse battante, et la jeune fille, dans son coquet Burberry, s'accrochait à son bras. Évitant comme dangereuses les plus proches stations, Lagnard fit un détour par les rues secondaires jusqu'à la station rue de Sèvres du Nord-Sud. Puis, leur trajet accompli, ils revinrent à la surface à la place de la Concorde, marchèrent quelque temps, prirent un taxi, et moins d'une demi-heure après avoir quitté l'impasse Stanislas, ils furent confortablement installés dans un cabinet particulier d'un petit restaurant sans prétention au nord immédiat des Halles. Ils festoyèrent royalement. La cuisine, encore que bourgeoise, était exquise, et surtout bien dans les moyens de la maigre bourse de Lagnard. Et il ne s'inquiéta pas, en s'apercevant que la note une fois payée et les pourboires distribués, il ne lui restait à peine plus que le prix d'un taxi. Souverainement, confiant en lui-même, il envisageait un aimable avenir à présent que les pages sombres de son existence avaient été tournées et scellées par une décision qu'il jugeait irrévocable. La réussite de leur évasion le remplissait d'entrain. Il était jeune, il était amoureux, il avait faim. Bref, il se sentait tout à fait vivant. Et la conscience du commun péril mettait dans leurs propos une intimité enchanteresse. Pour la première fois de sa vie, Lagnard se trouvait en compagnie d'une femme avec laquelle il osait et aimait parler sans réserve, chose déjà énivrante à elle seule. Et stimulé par l'évident intérêt et la sympathie qu'elle lui montrait, il parlait sans réserve de l'ancien Troyon et de son souffre-douleur, Marcel, de Bourque et de ses périples, de l'éducation du loup solitaire et de sa carrière, moins par vanité que par soulagement de l'avoir terminée. Quant au futur, il se réservait d'y veiller par lui-même. Et, assise, le menton appuyé sur le dessus de ses doigts entrelacés, la jeune fille l'écoutait avec l'indulgence que les femmes trouvent toujours pour leur amoureux. D'elle-même, elle avait peu à dire. Lagnard remplit à son gré le canevas de la simple histoire d'une jeune fille de bonne famille, obligée de gagner sa vie. Et si parfois, il voyait ses yeux graves somnubilés et son attention vaciller, c'était moins par ennui qu'à cause des réminiscences éveillées en elle par quelques phrases de Lagnard. « Mais je vous assomme avec mes histoires », lança-t-il une fois, avec un prompt repentir, en s'apercevant qu'il avait accaparé la conversation depuis de longues minutes. Elle secoua la tête, pensive. « Non, encore, mais je me demande si vous comprenez l'énormité de la tâche que vous avez entreprise. »« Peut-être pas », concéda-t-il altièrement, « mais peu importe. » Plus graves sont les difficultés Plus grand est le désir d'en triompher. Mais, objecta-t-elle, vous m'avez raconté la singulière histoire d'un homme qui n'a jamais eu l'occasion ni le désir de marcher droit, comme on dit. Et pourtant, vous paraissez croire qu'une résolution de se corriger, prise en une nuit, est capable de modifier toutes les habitudes d'une existence. Vous me persuadez de votre sincérité d'aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il pour vous demain? Et non seulement demain, mais dans 6 mois, quand vous aurez constaté que la route est dure, et quand vous songerez qu'il vous suffit de vous en écarter d'un pas pour retrouver un chemin aplani et facile. Si j'échoue, donc, ce sera parce que je suis inapte, et je m'enfoncerai, et l'on n'entendra plus jamais parler de moi. Mais je n'échouerai pas. Il me semble que le seul fait que je veux marcher droit est une preuve suffisante que j'ai quelque chose de foncièrement honnête sur quoi bâtir. Je le crois aussi, et pourtant... Elle baissa la tête et se mit à tracer un dessin incohérent sur la nappe avant de reprendre. Vous m'avez donné à entendre que je suis la cause de votre soudain éveil, que c'est en raison de la sympathie que je vous inspire que vous êtes si désireux de devenir un honnête homme. Supposez que vous veniez de découvrir que vous vous êtes trompé sur mon compte. « Ce n'est pas possible, » répliqua-t-il promptement. Elle lui adressa un sourire triste et indulgent du haut de son intuition qui connaissait mieux la nature humaine. « Mais admettez que ce le soit. « Alors, je pense, » répondit-il avec calme, « je pense que je me sentirais comme si je n'avais plus rien que le vide sous mes pieds. « Et vous retomberiez ?»« Comment le savoir ? La question n'est pas légitime. » Je ne sais ce que je ferai, mais je sais qu'il faudrait quelque chose de formidable pour ébranler ma foi en vous. Vous le croyez maintenant, fit-elle avec indulgence, mais si les apparences étaient contre moi, il faudrait qu'elles fussent bien sombres. Si vous découvriez que je vous ai trompé. Mademoiselle Shannon, il avança le bras par-dessus la table et lui saisit la main brusquement. Il est inutile de battre le buisson. Vous avez dû comprendre, hein? Elle se recula soudain, avec un regard effrayé, et protesta vivement par une monosyllabe. « Non. Mais il faut que vous m'écoutiez. Je veux que vous m'entendiez. » Burke me disait toujours, « Celui qui laisse l'amour entrer dans sa vie ouvre une porte que nulle main humaine ne saurait refermer, et Dieu sait ce qui peut s'en suivre. » Et Burke avait raison. Maintenant, cette porte-là est ouverte dans mon cœur, et je pense que rien de ce qui entre par là ne peut être mauvais ni dégradant. Oh, je vous l'ai déjà répété 10 fois, de manière indirecte, mais je peux tout aussi bien le dire carrément à cette heure. Je vous aime. C'est pour l'amour de vous que je veux marcher droit, dans l'espoir que quand je me serai affirmée, vous me permettrez peut-être de vous demander de m'épouser. Peut-être êtes-vous déjà éprise d'un homme supérieur à moi. J'en accepte le risque. Une année apporte bien des changements. Peut-être avez-vous une raison qui m'échappe de douter de ma force et de ma persévérance. La suite nous le dira. Mais veuillez comprendre ceci. Si j'échoue à devenir un homme de bien, ce ne sera pas de votre faute. Ce sera parce que je suis inapte et que je l'aurai prouvé. Tout ce que je demande, c'est ce que vous m'avez généreusement promis. Une occasion de vous revoir au bout de l'année et de vous faire mon rapport. Et alors, si vous voulez, vous pourrez répondre « non » à la question que je vous poserai, et je ne vous en voudrais pas, même si c'est ma perte. Car un homme peut bien s'attacher à une entreprise pour 1 an, mais il ne peut s'y atteler pour toujours, avec ou sans l'amour de la femme qu'il aime. » Elle l'écouta jusqu'au bout, sans tenter de l'interrompre, mais elle fit précéder sa réponse d'un triste petit hochement de tête. « Voilà qui me rend la chose si dure, si terriblement dure, » prononça-t-elle. « Comme je vous ai compris. » « Certes, je vous ai compris. Tout ce que vous avez dit par allusion, et bien plus encore, n'a pas été perdu pour moi. Et je suis heureuse et fière de l'honneur que vous m'offrez. Mais je ne puis l'accepter. Cela m'est impossible, pas plus dans 1 an qu'aujourd'hui. Il ne serait pas loyal que je vous laisse faire fond sur l'espérance que je pourrais un jour consentir à vous épouser. Car c'est impossible. Vous, pardonnez-moi, vous n'êtes pas déjà mariée ? Non. Ni fiancée ? Non plus. Ni éprise de quelqu'un d'autre, hein ? Derechef, elle lui répondit négativement. Il se redressa, et ses traits s'éclaircirent. Il réussit même à sourire. « Alors, ce n'est pas impossible. Nul obstacle humain n'existe que le temps ne puisse renverser. En dépit de tout ce que vous dites, je continuerai à espérer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes énergies. Mais vous ne comprenez pas? Pouvez-vous m'expliquer, me faire comprendre? » Après un long silence, elle lui répondit, une fois de plus, et très strictement, « Non. »